font des diamants. Plus je suis petit, plus c'est grand. Je vais me retrouver dedans. Je vais passer à travers. Je vais me retrouver comme un fou sur la terre. Comme un fou tout est si grand.